ça qui mate. On s'apprivoise. Me to be there. Invited to the party. I hope that the place pretty clean. Lady, I want to hear donne-moi ta main, camarade. Le fil d'un pays où les âmes sont. Want you to be close to me. les hommes sont beaux. Les hommes sont beaux. Où les âmes sont reines, où les hommes sont rois, à qui même les rois ne peuvent donner loi. Hein? C'est dans ces endroits spéciaux. Se croire écho. Cinq doigts, moi aussi. Sous tes yeux. prends en achetant des tapis made in China, made in Taiwan, made in USA. You are coming. Thank you. finally found medicine on the mission. Les hommes dont on parle. Would be a snitch, I'm just try to forget them. On survit comme on peut. Get money, Face au livre d'images, toute seule, volcan à l'intérieur. Elle voudrait partir loin. Mais dans ce livre d'images, elle n'est rien. Un quiproquo. Comme Alice tombe quand Alice tombe. Un lapin aux oreilles bleues. Un chat fuma. Is there anybody out? De l'autre côté du miroir, tombée Alice, comme Alice, tombée. Dans le début de sa vie, Alice Fall, Alice Fall. On the other side of the moon, la caresse de Guavaya, ah, à la base. les volutes de la cheminée. Comme Jabba l'était dans Star Wars. Capital pour contrer la force des bras. on aurait tout retourné. Ouais. C'est la violence. C'est la violence d'État. Légitime défense. Légitime violence. Ne plus avoir peur, ne plus laisser désarçonner, ne plus se faire avoir par cette épée. Able to make, able to do, able to do, able to do. Sing, dance. Make poetry. Sharing sounds. Able to share sounds. Le poids des civilisations qu'on veut nous faire porter, alors que nous, on n'a rien demandé. On emploie corps, esprit, bien, conscient. Seigneur, fidèlement service. On fait pour nos amis ce que l'on puis et toi. Crois que justice, nul ne se plaint de moi. To the river to feed, to the river. Wake up. send a message to the chant du peuple balkanique, les chants africains, les chants bretons. The same song. Zoom.